بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous poursuivons بإذن الله تعالى dans cette cinquième assise dans la lecture de Salafatul Usul wa Adillatuha de l'imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du 12e siècle, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec le commentaire de l'imam revivificateur de la religion de l'islam de notre époque, Sheikh l'imam Abdul Aziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est rendu à la partie de cette risala dans laquelle l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab parle de l'adoration et des différentes catégories d'adoration. Il a dit, rahimahullah, وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر فلا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc il dit, rahimahullah, les différentes catégories d'adoration, les différents genres d'adoration et les différentes catégories d'adoration qu'Allah Azza wa Jal a prescrit sont comme l'islam, l'iman et l'ihsan. Et on fait partie également de ces différentes catégories d'adoration l'invocation, al-du'a, al-khawf, la peur, al-raja, l'espoir, al-tawakkul, placer sa confiance en Allah, al-raghba, désirer ce qu'il y a auprès d'Allah, al-rahva, craindre et avoir peur du châtiment d'Allah et craindre Allah, al-khushu', la dévotion, al-khashya, la crainte, al-inaba. L'inaba, l'inaba, il y en a qui disent le repentir, mais l'inaba, c'est un repentir particulier, comme nous allons voir dans l'explication. Donc l'inaba, on peut dire, c'est de revenir vers Allah Azza wa Jal rapidement. De passer de sa désobéissance vers son obéissance avec le repentir. Al-isti'ana demande d'aide, al-isti'ada recherche de refuge et de protection, al-istighatha demande de secours, al-dhabh le sacrifice, al-nadr le vœu et ainsi de suite parmi les adorations qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit, a ordonné toutes pour Allah. Et la preuve réside dans la parole d'Allah Azzawajal, dans le sens, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec lui. N'invoquez donc personne avec lui. Celui qui voue quelque chose de ses adorations à autre qu'Allah Azzawajal, c'est un mushrik, kafir, c'est un associateur mécréant. والدليل قوله تعالى et quiconque, dans le sens, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité alors qu'il n'en a même pas de preuve évidente, aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, il dit dans son commentaire: العبادة أنواع، فمنها الإسلام بأركانه، فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة، من صلاة وصوم وغير ذلك. Donc l'adoration, il dit que c'est différentes catégories et genres. On fait partie l'islam avec ses piliers, tout ce que Allah a ordonné et a prescrit. Parmi les actes de l'islam, est une adoration, telle que la prière, le jeûne, et ainsi de suite. وَهَكَذَا الْإِيمَانُ بِأَعْمَالِهِ الْبَاطِنَةِ كَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Et également, l'iman, la foi, avec ses actes cachés. Entre parenthèses, comme vous savez, l'islam s'englobe l'islam et l'iman et l'ihsan. Et de même, l'iman, ça peut être utilisé comme synonyme de l'islam. Mais quand les deux sont cités dans le même contexte, l'islam, il va désigner uniquement les actes apparents. Et l'iman va désigner les actes du cœur, les actes cachés. Donc il a dit l'iman, les œuvres du cœur telles que la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour dernier, et croire au destin convenable et inconvenable. Et également la peur et l'amour et l'espoir et ainsi de suite. Parmi tout ce qui concerne le cœur, rentre dans l'adoration. Et également l'ihsan, la bienfaisance, d'adorer Allah comme si tu le voyais. Ceci également fait partie de l'adoration. Même, c'est le plus haut parmi les genres de l'adoration. Et le meilleur d'entre elles, le niveau le plus élevé dans l'adoration, c'est l'ihsan. فالواجب على كل مخلص إخلاص فالواجب على كل مخلص إخلاص العبادة لله وحده فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم لأن العبادة حق لله وحده قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. Donc le devoir de chaque responsable et de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas adorer avec Allah les prophètes ou les alliés, les saints ou les statues, les idoles ou les arbres ou les pierres ou les étoiles et les astres. Il doit, car l'adoration c'est le droit d'Allah seul. Allah azza wa jal a dit dans le sens du verset: les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec lui. وقال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de ce verset, le sens rapproché de ce verset, et n'invoquez pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire, et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Allah Azza wa Jalla dit également: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'en a même pas de preuve évidente, aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Et dans notre verset, Allah Azza wa Jalla dit: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ذلكم الله ربكم له الملك. Tel est Allah votre Seigneur, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de datte. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre, et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Allah Azza wa Jal. فسمى سبحانه دعاءهم شركا، فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذبحا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك كله لله وحده. فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. الله عز وجل il dit, رحمه الله شيخ بن باز, il dit qu'Allah عز وجل dans ce verset qui a précédé, ذلكم الله ربكم له الملك, jusqu'à ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala, wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum, et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Ils vont nier votre association, le fait de les avoir associés avec Allah. Ils vont le nier et rejeter cela. Cheikh, il dit, Allah a appelé leur invocation shirk, le fait qu'ils invoquent autre qu'Allah. Dans ce verset, Allah l'a nommé explicitement shirk. Donc le devoir de tous les responsables, le mukallaf, que je traduis par responsable, c'est toute personne parmi les djinns ou les humains qui est pubère ayant sa raison. Que ce soit parmi les hommes ou les femmes, les djinns ou les hommes, en ayant atteint l'âge de la puberté et en ayant sa raison. Car le fou n'est pas responsable, n'a pas de charge. Et le petit qui n'a pas encore atteint la puberté également. Et les anges ne sont pas responsables. non plus. Yani, à savoir, ils n'ont pas la charge de la religion. Ce qu'ils l'ont, c'est al-thaqalan, les djinns et les humains. Donc, le devoir de tous les responsables, c'est de vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal et de l'adorer seul. Et de l'adorer seul avec les différentes adorations qui ont été citées. L'espoir, la peur, la demande d'aide, la demande de protection, de refuge, le sacrifice, le vœu, la crainte, la prière, le jeûne et ainsi de suite. Tout ça pour Allah seul. Et celui qui se rapproche d'autre qu'Allah Azza wa Jal avec une adoration, alors c'est un mushrik kafir, ashraka billah. C'est un associateur mécréant qui a associé Allah et qui a adoré autre que lui avec Allah. Il a adoré autre qu'Allah avec Allah Azza wa Jal. Comme l'ont fait les premiers associateurs, parmi les adorateurs des temples, les adorateurs des arbres, des pierres et des statues. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Dans le sens, mais s'ils avaient donné des associés à Allah, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Et dans l'autre verset, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit certes le paradis et son refuge sera le feu. Et dans l'autre verset, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dans le sens, en effet, il t'a été révélé, c'est-à-dire à toi, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les autres prophètes, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras certainement du nombre des perdants. Des perdants, c'est-à-dire des mécréants, des associateurs, qui sont voués éternellement au feu de l'enfer. Tout au contraire, adore Allah seul et sois au nombre des reconnaissants. Des reconnaissants, ceux qui ont unifié Allah, qui l'ont adoré, sans rien lui associer. فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله ومن صرف منها شيئا لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر فهو مشرك بالله لقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ولغيرها من الآيات السابقات وهذا دليل على ما تقدم. Toutes ces adorations doivent être vouées à Allah sincèrement, exclusivement. Et celui qui les voue à autre qu'Allah, parmi les statues, parmi les arbres, et les pierres, et les tombes, c'est un associateur qui associe Allah. Car Allah a déjà dit, dans le sens du verset, « Quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'en a même pas de preuve évidente, aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. » Et pour les autres versets qui ont précédé, et ça, c'est un argument pour ce qui a précédé. Et dans le hadith, « Ad-du'a ou mukhul ibada » Dans ce hadith, l'invocation est l'essence même de l'adoration. L'invocation est l'essence même de l'invocation. Et dans une autre version, ou plutôt Afwan, c'est pas une autre version du même hadith, mais c'est un autre hadith avec un autre terme. الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. L'invocation, c'est l'adoration. Le premier hadith, c'est un hadith faible. Et le deuxième est un hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmad et rapporté également dans les Sunan. Donc c'est un hadith authentique qui permet de confirmer le sens. Mais le premier terme n'est pas authentique. Et le deuxième terme est authentique et le sens est proche. Ils ont à peu près le même sens. Et également le même sens dans le verset « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ » Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans le feu de l'enfer humiliés. » Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, a qualifié l'adoration, a qualifié l'invocation d'adoration. Donc l'invocation, c'est l'adoration, comme dans le hadith authentique qui a précédé. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal a dit « Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun wa qala rabbukum ud'uni » Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi ». Et après, il a dit, ceux qui se refusent par orgueil de m'adorer, donc il a appelé l'invocation adoration. Donc l'invocation, c'est l'adoration. فَالدُعَاءُ هُوَ أَيَّدَّرَّعَ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُوهُ وَيَسْأَلَهُ النَّجَاةِ وَيَسْأَلَهُ الرِّزْقِ كُلُّ هَذَا عِبَادَةً فَإِذَا صَرَفَهَا لِلصَّنَمِ أَوْ الشَّجَرِ أَوْ لِلْحَجَرِ أَوْ لِمَيِّتٍ صَارَ مُشْرِكًا بِاللَّهِ. Donc l'invocation, c'est quoi en réalité? L'invocation, c'est d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander la sauver et de lui demander la subsistance, ainsi de suite. Tout ça est une adoration. Celui qui l'avoue à autre qu'Allah Azza wa Jal, parmi les statues, parmi les, et les arbres, et les pierres ou les morts, il devient, avec cet acte, il devient associateur. Il a associé Allah. Donc il faut qu'on soit en garde contre le shirk. Le shirk entier, celui qui est le shirk subtil et le shirk explicite et clair. Et que l'adoration soit à Allah seul, soit consacrée à Allah seul. Mais par contre, invoquer le vivant, présent, capable, et lui demander l'aide. L'invoquer dans un île et lui demander l'aide dans ce qu'il est, dans les choses dont il est capable, il n'y a pas de mal. Et ça ne rentre pas dans le shirk. فلو قلت لأخيك الحاضر يا عبد الله أعني على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذا البئر فلا بأس بذلك كما قال سبحانه في قصة موسى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الآية استغاثة الإسرائيلي على القبطي لأن موسى قادر على إغاثته يتكلم ويسمع. Donc, par contre, un cheikh, il a donné un exemple sur ce qui a précédé. Invoquer le vivant présent, capable, et lui demander le secours et l'assistance, tout ça, ça ne rentre pas dans le cheikh. À titre d'exemple, si tu dis à ton frère qui est avec toi, « Oh Abdullah, aide-moi à couper cet arbre, ou aide-moi à creuser ce puits. Il n'y a pas de mal en cela. Car Allah a déjà dit dans l'histoire de Moussa alayhi salam, dans le sens du verset, l'homme de son parti, c'est-à-dire le parti de Moussa alayhi salam, l'appela au secours contre son ennemi. Donc il l'a bien appelé au secours. Et celui qui a demandé secours à Moussa, c'est l'Israélite contre le Copte. Et Moussa était capable de le secourir. Il parle, il entend. Il entend quand il lui a demandé, et il parle, il répond. Et il avait la capacité de le secourir. Et effectivement, il l'a secouru. أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حاضرا أو غائبا أو ميتا واعتقد أنه ينفع من دعاه أو يضره لا بالأسباب الحسية من الشرك بالله فهذا من الشرك بالله كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله يظنون أنهم يستطيعون بعبادتهم إياهم أن يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفا. Par contre, donc Cheikh Rahimahullah, il va donner un exemple sur quelque chose qui fait partie du shirk, après avoir vu les choses qui ne font pas partie du shirk. Pour vous les résumer, il y a quatre choses qui ne font pas partie du shirk quand il y a quatre conditions qui sont réunies. Ces quatre choses, c'est quoi? La demande de shafa'a, l'intercession, la demande de l'aide, l'isti'ana, la demande de la protection, l'isti'ada, et la demande de secours, l'isti'ata. Ces quatre demandes qui sont des adorations peuvent être consacrés et demandés à une créature quand quatre conditions sont réunies. La première, c'est que la créature soit vivante. Donc, il ne faut pas demander à un mort. Il faut qu'elle soit présente. Il ne faut pas demander à un djinn. Il faut qu'elle soit capable. Il ne faut pas demander à une créature le pardon des péchés ou l'entrée au paradis ou la sauver de l'enfer. Car il n'est capable de cela que Allah Azza wa Jalla. Et la quatrième, c'est croire que c'est une cause. C'est une cause uniquement. Et le fait de croire que c'est une cause, ça fait que tu tombes pas dans ce que Cheikh va citer par la suite. C'est de placer confiance en elle totalement. Et d'oublier Allah Azza wa Jalla. C'est Allah qui fait que cette cause te sera profitable ou pas. أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله إلى دي رحمه الله. Par contre, s'il se repose, il s'en remet à une créature totalement. Dans les choses, elle est une créature, dans les choses dont elle n'a pas la capacité, même si cette créature est présente, ou absente, ou morte, s'il croit qu'il peut lui être profitable en lui demandant et en l'invoquant, ou nuisible, non pas avec des causes matérielles, avec des causes matérielles qu'on touche et qu'on voit réelles. Ceci fait partie du shirk. Donc, pour résumer ce point qui est d'une grande importance, demander à une créature vivante et présente les choses dont elle est capable, et pas les choses dont elle n'est pas capable. Et les choses dont elle est capable avec des causes et des moyens réels et matériels. Pas comme les mourides demande à leur chouyour de tariqa, il leur demande qu'il le fasse rentrer au paradis. Wal'iyadu billah. Ça, c'est du shirk. Ou demander un exemple que les savants citent dans leur livre, c'est celui qui demande à un handicapé complètement paralysé de le sauver. Et ça, ça fait partie du shirk, car cet homme ne peut pas le sauver avec des causes et des moyens réels. Donc le fait qu'il lui demande, c'est qu'il doit avoir une croyance comme quoi cet homme a une certaine gérance dans la création d'Allah Azza wa Jal. Cet exemple est cité depuis les anciens. Mais vous constatez pourquoi je voulais citer cet exemple, parce que vous pouvez le lire dans les livres. Mais à notre époque, vous constatez qu'il y a des téléphones. Donc s'il lui demande à cet homme paralysé sur le bord de la mer, il lui demande quelqu'un qui se noie, il lui demande le secours, afin qu'il appelle les secouristes avec le téléphone, là, c'est autorisé, parce que c'est une cause réelle. Hada huwa l'exemple. Comme Allah Azza wa Jal, quand il a parlé des associateurs, comment il les a décrits? Il a dit, ha'ula'i, qu'est-ce qu'il disait quand il prenait des associés avec Allah d'autres? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. C'est ça leur argument. Ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. فيظنون أنهم يستطيعون بعبادتهم إياهم أن يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. Et ainsi ils pensent et ils s'imaginent qu'en adorant ces intermédiaires, ils vont intercéder en leur faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils vont intercéder en leur faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, bien évidemment, est faux. Car l'adoration, c'est le droit d'Allah seul. Ou, ils disent qu'ils les adorent pour qu'ils les rapprochent d'Allah davantage. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, « Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa » Qu'est-ce qu'il disait? Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Et ça, ça fait partie de leur ignorance. Et ça, c'est à cause de leur ignorance et leur égarement. Car ils sont ignorants des règles de l'intercession et les conditions vis-à-vis de l'intercesseur et les conditions vis-à-vis de celui en faveur de qui profitera l'intercession. Et l'intercession, en réalité, elle appartient tout entière, elle appartient à Allah Azza wa Jal. وَهُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي عِبَادِهِ كَيْفَ يَشَاءُ. Et celui qui agit sur ses serviteurs comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Il ne permet l'intercession qu'à ceux qu'il a agréés, dont il a agréé les œuvres. Et personne n'intercède auprès de lui qu'avec sa permission. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne. وقال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. Et il a dit dans l'autre verset, il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Et Allah n'agrée que le mouahidin. Cheikh résume ce point de Shafa'a, il dit, Shafa'a n'est profitable qu'avec la permission d'Allah à l'intercesseur et son agrément et sa satisfaction vis-à-vis de celui à qui ça profitera. Et Allah Azza wa Jal n'agrée Shafa'a, l'intercession, que pour les mouahidin, les gens du tawhid. Comme ceci a été rapporté d'une manière authentique quand Abu Huraira radiallahu anhu a dit à qui Abu Huraira radiallahu anhu dans ce hadith, il a dit من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أخرجه البخاري في الصحيح. Donc Abu Huraira, il a posé la question, radiallahu anhu, il a posé la question à notre prophète alayhi salatu wasalam, à qui profitera ta shafa'a, à qui profitera ton intercession au messager d'Allah, qui a le plus de chances de profiter de ton intercession au messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Sincèrement de son cœur. Ceci a été rapporté, ce hadith, par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Donc, shafa'a, il n'est profitable, elle n'est profitable qu'à celui qu'Allah a agréé. Allah a agréé les paroles et les actes parmi les gens du tawhid et de la foi. Ensuite, Cheikh Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, a cité différentes catégories d'adoration. Il a dit, et les arguments sur chacune, les arguments sur chaque adoration qu'il a cité. On a vu l'argument de l'invocation et que c'est une adoration. Ensuite, il a dit, wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. L'argument que la peur est une adoration, c'est le verset dans le sens duquel Allah Azza wa Jalla nous dit, n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. Si vous êtes croyants. Cheikh Rahimullah dit dans son commentaire, l'auteur Rahimullah a cité plusieurs catégories d'adoration. Parmi elles, la peur. Et la peur est de trois catégories. La première des catégories de la peur, c'est ce qu'on appelle khawf al-sir. La peur secrète. وهذا خاص بالله لأنه القادر على كل شيء وهو الذي يخاف ويخشى كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولم يخش إلا الله وقال تعالى فلا تخشون الناس واخشون. Donc la peur, ce que les hommes de science appellent khawf al-sir ou khawf al-ibada, parce que cette peur c'est une adoration. Et la khawf al-sir, c'est spécifique à Allah. On ne doit pas l'avoir vis-à-vis d'une créature. Sinon, c'est du shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Car c'est Allah qui est capable de toutes choses. C'est lui qui doit être craint. Et c'est de lui qu'on doit avoir peur. Comme Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le verset. N'ayez pas peur d'eux. Ayez peur de moi si vous êtes croyants. Il a dit dans notre verset, dans son sens, et qui ne craint qu'Allah. Et dans l'autre verset, Ne craignez donc pas le gens, mais craignez-moi. Craignez Allah. Le devoir du musulman, c'est de craindre Allah et d'avoir peur de lui. Car c'est lui qui détient les coups, c'est lui qui détient les cœurs et qui les retourne comme il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est lui l'omnipotent, capable de toute chose. Et c'est lui qui peut apporter profit ou nuisance. C'est lui qui donne, c'est lui qui prive. Donc c'est obligatoire pour nous de le spécifier avec la peur. On doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas avoir peur d'autre que lui dans toutes nos affaires. Car la peur en secret, la peur secrète, est spécifique à Allah. Et la signification de Khawf Sir, Cheikh Idi, c'est quoi Khawf Sir? Pourquoi on l'a appelé Khawf Sir? La peur dans le secret. Cheikh Rahimallah dit, وهو كون الإنسان يخاف من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس ولذلك يعتقد عباد القبور أن بعض الناس له قدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلا ويعتقدون ذلك أيضا في الأصنام والجن وغيرها وهذا هو الشرك الأكبر ويعتقد فيهم أيضا أن لهم القدرة على العطاء والمنع وزيغ القلوب وموت النفوس دون أسباب حسية. Donc pourquoi cette peur, elle s'appelle la peur dans le secret? Car la personne a la peur en croyant que celle dont elle a peur a une force particulière, invisible. Cette peur invisible, et non pas une peur habituelle. Et cette peur, elle n'a pas de mobile. Cette peur n'a pas de mobile visible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il a peur de cette chose? Il n'y a rien qui est visible. Mais c'est dû à quelque chose dans son cœur. Parce qu'il a cru que la chose dont il a peur, elle a une capacité, elle a un potentiel surnaturel, capable, par exemple, comme Cheikh a dit ensuite, comme la peur qu'ont les adorateurs des temples et les mourides de At-Turuq Sufiya. Tout le sophisme, depuis son début jusqu'à sa fin, c'est un égarement. Ça, c'est une chose. Après, l'égarement des soufis varie d'une personne à une autre. Il y en a chez qui ça arrive au shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Comme ceux qui croient que Cheikh, il voit ce qu'il y a dans son cœur. Que son Cheikh, il est capable de l'égarer. Que son Cheikh, il peut ôter sa vie sans des causes visible, mais avec un ordre de sa part. C'est pas il va le tuer ou l'a envoyé quelqu'un pour le tuer, mais c'est il a peur de lui de la manière dont on doit avoir peur uniquement d'Allah Azza wa Jal, car c'est Allah qui détient ces choses-là. C'est Allah qui est le maître de ces choses-là. Et personne d'autre parmi les créatures. Comme également ceux qui ont peur des djinns et ceux qui ont peur des statues de cette manière-là. Donc ça, c'est la première catégorie de la peur, qui est une peur qui fait sortir de l'islam, wal'iyadu billah. Cette peur-là, elle fait sortir de l'islam. Car c'est une peur d'adoration qui ne se doit qu'à Allah Azzawajal. C'est Allah qui connaît ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ta poitrine, dans tes pensées. C'est Allah qui est capable de te guider et de t'égarer. C'est Allah qui est capable de prendre ton âme et de prolonger ta vie. La deuxième catégorie de peur, خوف الأسباب الحسية. كما قال تعالى في قصة أحد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم إن المشركين قد جمعوا لكم وسيرجعون إليكم فأنزل الله في ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de peur. C'est la peur due à des causes réelles. Due à des causes réelles. Comme ce que Allah Azza wa Jalla nous a relaté dans l'histoire de Uhud, quand les associateurs ont dit à notre prophète, alayhi salatu wassalam, que les gens se sont réunis, c'est-à-dire Kuffar Quraysh, et qu'ils vont revenir pour vous combattre. Ceci leur a été dit, après avoir fini la bataille de Uhud. Et comme vous savez, Uhud, la bataille de Uhud, les musulmans ont réussi à s'en sortir après cette erreur qui a été commise par les lanceurs de flèches, radiallahu anhum tous, et qu'ils ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam dans le fait de rester sur la montagne et de ne jamais descendre jusqu'à recevoir l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, quand bien même ils voient les musulmans se partager les butins des koufars. Et donc dans un premier temps, les musulmans ont dominé la bataille. Et certains ont commencé à se partager les butins, effectivement. Ces lanceurs de flèches qui étaient sur la montagne de Uhud, la majorité d'entre eux, sauf leur émir, qui est Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, tous n'ont pas pu résister. Ils sont descendus pour prendre leur part dans les butins. Et Kuffar Quraysh, avec Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, à l'époque qui était avec l'armée des Kuffar, et Ikrima ibn Abi Jahl, qui était également dans les rangs des Kuffar ce jour-là, ils ont, avec l'intelligence qu'ils ont, ils ont pu percer par ce côté-là, suite à cette faille, et ils ont renversé la donnée de la guerre. Ils ont renversé la donnée de la guerre au point où ils ont tué plus de 60 sahabi, radiallahu anhum, en très peu de temps. Et c'était ça a causé une grande perturbation dans les rangs des musulmans. Mais par la suite, les musulmans ont pu redresser la barre et se remettre en place à nouveau, ils ont réussi à s'en sortir de cette bataille sans plus de dégâts que ce qui a été causé par cette attaque. Ensuite, quelqu'un est venu de la part de Kuffar Quraysh pour faire peur aux musulmans. Il leur a dit que les Kuffar se sont réunis à nouveau Ils ont augmenté leur nombre, le nombre de leurs armées et de leurs armes, et ils sont en route pour vous combattre, pour leur faire peur. Comme dans le verset, c'est le diable, c'est Shaitan qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Ses adhérents, ce sont Kuffar Quraysh. N'ayez pas peur d'eux, ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc Shaitan, il fait peur aux gens de ses alliés. C'est ça la signification de ce verset. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. C'est-à-dire que Shaitan, il fait peur aux croyants de ses adhérents et de ses alliés, des kuffars. Pour ça, il ne faut pas avoir peur. Shaitan, il veut que tu aies peur de ses alliés. Mais toi, tu dois pas avoir cette peur. Mais tu dois avoir peur d'Allah Azzawajal seul. Donc il faut, Allah Azzawajal nous dit, n'ayez pas peur d'eux, n'ayez peur de moi, et faites confiance à Allah Azzawajal, et préparez-vous pour affronter les alliés de Shaitan, et ne vous préoccupez pas du reste, comme Allah Azzawajal dit dans le sens du verset, dans l'autre verset, وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, et préparez pour lutter contre eux, tout ce que vous pouvez comme force, préparez la force et placez votre confiance à Allah et n'ayez peur de personne. Donc ça, c'est une peur qui est justifiée par des choses réelles. الشيخ دي وهذا الخوف الحسي لا بأس به لكن الخوف القلبي خوف السر هذا هو المنهي عنه. Donc ça c'est une peur. Il dit Cheikh, il n'y a pas de mal en cette peur car c'est une peur justifiée par des choses réelles, une armée beaucoup plus nombreuse. Mais ce qui est interdit, c'est la peur du cœur, ce qu'on appelle khawf al-sir. C'est ça qui est interdit. Amma al-khawf al-hissi, mithlu an yakhafa al-lissa, aw al-sariqa, aw al-aduwa, fayaddu al-uddata min al-silah al-lazim, kullu hadha la budda minhu. Li hadha qala ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu khudhu hidrakum, wa qala subhanahu wa ta'ala fi qissati Musa lamma kharaja min Misr khaifan min fir'aun wa qawmihi. Donc, cher, il dit, il n'y a pas de mal en la peur qui est justifiée par des causes et par des causes réelles, comme avoir peur du voleur. Quelqu'un qui a peur des voleurs et il fait les causes pour s'en protéger. Il met une porte blindée, il met des murs assez hauts pour qu'on ne puisse pas y rentrer dans la maison, des choses comme ça. Et avoir peur de l'ennemi également. Il n'y a pas de mal en cela. Chose qui va conduire à préparer le nécessaire pour lutter contre cet ennemi. Comme Allah Azzawajal nous a dit dans le verset, dans le sens, ô les croyants, prenez vos précautions. Donc une peur qui te pousse à prendre les précautions pour te protéger de ton ennemi, du voleur, du lion, des choses comme ça, ça c'est une peur dans laquelle il n'y a pas de mal. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur de l'ennemi au point de ne pas pouvoir le combattre et de faire triompher la vérité. Mais ce qui est autorisé, c'est quand cette peur elle te pousse à préparer le nécessaire pour combattre cet ennemi. Pour combattre cet ennemi et prendre les précautions nécessaires. Ça, il n'y a pas de mal. La troisième catégorie de l'khawf, al-khawf al-tabi'i, la peur naturelle. Ce qu'on appelle al-khawf al-tabi'i, la peur naturelle, il dit Cheikh, alladhi jubila alayhi l'insan. Car c'est une peur instinctive. Et il n'y a aucun mal en cette peur. Comme avoir peur du serpent, du scorpion, du lion, en s'éloignant de lui, en le tuant, et s'éloigner de l'endroit où il peut y avoir des animaux féroces, afin de ne pas être attaqué par eux. Ça, c'est quelque chose instinctif chez l'homme. C'est qu'il ait peur des choses qui peuvent lui faire mal. Également avoir peur du froid. Il porte des vêtements pour s'en protéger. Avoir peur de la faim. Et il mange. Avoir peur de la soif. Il boit. Ça, c'est des choses naturelles. Et il n'y a aucun mal de cette peur, d'avoir cette peur. Allah Azza wa Jal, quand il a décrit Moussa alayhi salam, il a dit فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Il est sorti de là, craintif, regardant autour de lui. Donc Moussa avait peur de Fir'aoun, qu'il le tue, parce qu'il l'avait menacé. Pour ça, il a quitté l'Égypte. Il est sorti, craintif, regardant autour de lui. Aïe salatu wassalam. Et ça, c'est une peur naturelle dans laquelle il n'y a aucun mal. Donc, pour résumer les points relatifs à la peur, la peur qui fait que tu voues et que tu consacres une adoration à autre qu'Allah, c'est du shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Comme avoir peur du saint dans son mausolée. Et ça, malheureusement, c'est des choses qui existent. Même à notre époque encore. D'où l'importance de multiplier les efforts dans le da'wa de Tawhid. Il n'y a qu'un ignorant de la réalité du monde dans lequel on vit qui dit que ça suffit la da'wa au Tawhid. Passons à autre chose. Déjà, les savants lui répondent en disant qu'il n'y a pas de contradiction entre da'wa tawhid et da'wa aux autres législations de l'islam. Et deuxièmement, da'wa de tawhid, ça doit continuer jusqu'à la fin de ce monde. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, ou plus exactement, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal enverra ce vent qui va prendre les âmes de tous les croyants. Là, Tawhid va s'arrêter sur terre, et ça c'est le signe de la fin de la vie sur cette terre. Quand il n'y a plus de Tawhid sur terre, c'est l'arrivée de la fin des temps. Mais avant cela, on doit continuer la da'wa de Tawhid. Tawhid, da'wa de Tawhid, pour ceux qui connaissent Tawhid. Afin de les raffermir encore plus dans Tawhid et d'augmenter leur savoir dans Tawhid. Da'wa de Tawhid pour ceux qui ne sont pas dans Tawhid, afin de les ramener et de les guider dans Tawhid. Car il y a des gens, quand tu leur fais trop de da'wa de Tawhid, ils disent est-ce qu'on est des mouchriquines? Pourquoi Tawhid, Tawhid? Est-ce qu'on nous on est des mouchriquines? Ça, c'est des paroles d'ignorants. D'ignorant de ce que c'est Tawhid. Tawhid, plus tu le connais, plus tu as peur de shirk. tawhid, plus tu le connais, plus tu vas t'y attacher. Attacher à son apprentissage, à sa mise en application et à sa propagation dans les gens. Donc, shirk, afwan pour revenir, al-khawf, la peur, si la peur elle conduit à un shirk, c'est un shirk. Et si la peur elle conduit à tomber dans un acte interdit, par exemple quelqu'un qui a peur d'un voleur, qui a peur de se faire voler, mais cette peur n'est pas justifiée par des raisons yani, réelles. C'est juste yani, la personne a du waswas, ou elle se fait des idées, ou Shaitan lui fait peur. La personne, elle délaisse la prière en groupe à la mosquée parce qu'elle a peur de ce voleur, qu'elle se fasse voler dans la rue. Dans le cas où c'est pas justifié, c'est juste des awham. Dans ce cas-là, ça c'est un grand péché. C'est interdit. Car c'est une peur qui a conduit au délaissement d'une obligation. C'est une peur interdite. Et la troisième, c'est la peur naturelle qui est autorisée, dans laquelle il n'y a pas de mal. Et également, c'est une peur qui n'est pas sujet de d'éloge ni de blâme. C'est pas une qualité parce que t'as peur du serpent. Et c'est pas une qualité parce que t'as pas peur du serpent. Ça, c'est une peur naturelle que l'être humain ne contrôle pas et qu'Allah a mis en lui instinctivement. Il l'a pas choisi. C'est pas lui, il choisit d'avoir peur. Après, il y a des gens, ils peuvent s'habituer à certaines choses qui font peur normalement et jusqu'à se familiariser à ces choses-là et ne plus avoir peur de ça. Mais cette peur, c'est pas un sujet de blâme ni d'éloge. C'est pour ça que Moussa alayhi salam, il n'a pas été blâmé parce qu'il a eu peur du serpent. Il n'a pas été blâmé à cause de ça. Voilà, yani, pour aujourd'hui, je demande à Allah de nous faciliter la science bénéfique et profitable et de nous aider à mettre en pratique ce que nous apprenons et de nous raffermir dans notre religion et de prendre nos âmes dans le tawhid pur, sincère et pur, pur de toute forme de shirk, mineur ou majeur, apparent ou caché, et qu'Allah Azza wa Jalla également nous raffermisse dans la sunna de son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la salafia, purifiée de toute forme de bid'a. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته